Guy vient de fonder une agence de publicité. Il est directeur de l'agence. Il travaille dur pour réussir. Moi, je suis lycéenne. Je viens de passer mon bac. J'attends les résultats le mois prochain. Si je réussis, j'espère aller à la faculté. Ensuite, je veux choisir une carrière. Pendant les vacances, je travaille avec Guy à l'agence. Pour l'aider, je tape son courrier à la machine. Et puis, je surveille son personnel. Nous venons d'engager un nouveau dessinateur et un nouvel expert comptable. Ils viennent tous les deux de terminer leurs études. Ils nous ont donné des références excellentes. Ils vont arriver la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous attendons une nouvelle sténodactylo. Il est difficile de trouver des secrétaires convenables. Quelquefois, nous réussissons. Quelquefois pas. D'habitude, nous choisissons des femmes d'un certain âge. Cette fois, nous avons choisi, ou plutôt Guy a choisi, une jeune fille très jolie. Espérons.